Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. Nous sommes de retour. Et bon, parlons du logo de Desjardins. Hein, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, parce que Desjardins, c'est pas une banque, hein, c'est nous autres. Hein, c'est parce que Desjardins est revenu dans l'actualité pour se porter à la défense de son nouveau logo. Plusieurs ont commenté. Hein, vous avez vu? Hein, dans le fond, on a retiré l'abeille. Hein? J'imagine les longues séances de brainstorm, les dizaines de croquis soumis. Hein? Une firme probablement payée cher pour réfléchir à ça. Tout ça pour en arriver à celui ou celle qui prend l'abeille dans le logo et hop, on l'enlève. C'est tout. C'est tout ça pour ça. Pourtant, un logo, hein, un logo de banque, entre vous et moi, on s'en fout. Vraiment. Ça les rend pas plus honnêtes. Mais Desjardins, il y a comme un attachement, c'est différent. Alors, plusieurs ont commenté. D'abord, il y en a qui ont fait remarquer que c'est proche du logo d'une banque des Philippines, la RCBC. RCBC qui veut dire « rentre du cash, bain du cash ». Mais c'est pas ça le nœud de l'affaire. Là. Non. C'est que le mouvement Desjardins peine lui-même, on dirait, à comprendre ce que pour plusieurs, tant qu'à se faire les poches par une banque, ben, on préfère que ce soit québécois, t'sais, un tant soit peu, moins pire que les autres, moins mauvais, moins banquier. Quitte à ce que ça signifie moins de rendement, plus de frais, plus de troubles. En tout cas, moi, je suis comme ça. Or, Desjardins tente depuis longtemps, et y parvient, ma foi, de ressembler aux autres banques, les banques froides, vides, avides, capitalistes à mort, les participantes volontaires et cupides à l'évasion fiscale, à l'enrichissement des riches par les pauvres, comme si les rendements étaient la seule chose qui donne un sens à la vie. En vidant son logo, en ayant l'air d'un écrou donc plus industriel que l'alvéole de l'abeille, hein, qui appelle à la collaboration, Desjardins donne une excellente idée de l'endroit où nous sommes rendus. Performance, rendement, production. Pas collaboration, entraide, construction collective. Non. Ça a l'air insignifiant, mais je crois pas. C'est ni insignifiant, ni mineur. Hein. Pour moi, ça parle. Ça parle beaucoup. En période de croissance, les banques font des profits records. En période de ralentissement, les banques font des profits records. En période d'austérité, les banques font des profits records. Et taxer les banques, nous disait le banquier qui est accessoirement ministre des Finances, est la pire chose qu'on pourrait faire. Ah oui. Ce faisant, on les laisse guider nos vies, prendre le contrôle de l'économie. Et alors, les banques vident nos vies de leur contenu, de leur sens, jusque dans les logos. Bienvenue à Econophile. Vous voulez nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, sur le blog? Ben on est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. C'est Econophile 891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons. Le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ou encore, vous allez sur Econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux deux dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Kill the poor. Kill the fool. Jean-Claude Cloutier, bonjour. Oui, bonjour, David. Bon, kill the poor, rien de moins. Pour commencer, écoute, Jean-Claude, content de te retrouver après deux semaines de pause. On s'est beaucoup ennuyé. Oui, vraiment. Et écoute, il s'est passé toutes sortes de choses. D'abord, Miloš Forman décédé, réalisateur que j'aime bien, 13 avril, à l'âge de 86 ans. Ainsi que celui qu'on va entendre, si tu me permets, Erit, on va faire écouter une petite extrait. Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera « Chef, tas de punaise ». Est-ce que c'est bien clair ? Chef, oui, chef ! Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire. Chef, oui, chef ! Voilà, c'est Ron Lee Hermey et son rôle fameux de sergent Hartman dans Full Metal Jacket, qui est décédé aussi à l'âge de 74 ans, le 15 avril. Donc voilà, je voulais le dire simplement parce que c'est des gens que j'admirais. Maintenant, Jean-Claude, pour ce qui est de notre sujet de la semaine, le marché du travail. Oui, le marché du travail, puis je dirais aussi les travailleurs, parce que moi, ça me plaît beaucoup qu'on aborde ce dossier aujourd'hui, parce que c'est un peu une suite, finalement, des sujets qu'on a abordés plutôt dans la saison. Les consommateurs et les hyper-consommateurs, on a abordé les entrepreneurs, on parlera de l'État au mois de mai. Je pense que la quatrième roue du carrosse qui est très importante, c'est les travailleurs eux-mêmes, donc c'est ce dont on pourra parler aujourd'hui. Donc, pour en parler, ben ici en studio, un invité expert à la matière, l'incontournable Paul-André Lapointe, plus ou moins ami de ceux qui pensent que l'économie du ruissellement, ça marche. Bref, Monsieur Lapointe est professeur titulaire au département des relations industrielles de l'Université Laval. Il a notamment réalisé une très intéressante recherche portant le titre « Au Québec, est-ce que l'enrichissement profite vraiment à tout le monde? » On se doute un peu de la réponse, mais on va en parler tantôt. Et puis, question de la semaine, Jean-Claude? Oui, j'ai une question qui a l'air facile en apparence, mais peut-être qui va nous creuser les ménages un peu. La question serait, quels sont les trois principaux pays de destination des exportations du Québec en 2016, mais je pense que c'est bon aussi en 2018. Donc, vers quels trois principaux pays envoie-t-on nos exportations? Très bien, réponse en fin d'émission. Paul-André Lapointe, bonjour. Oui, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Ben vraiment, et pour parler d'un sujet effectivement qui est important, marché du travail, marché du travail qui est en mutation. Je présume que quand on est un observateur de ce secteur de l'économie, faut rester alerte parce que il me semble que c'est en perpétuel mouvement. Oui, tout à fait. Et les changements sont assez majeurs au cours des 25 ou 30 dernières années. En fait, quand on parle de mutation du travail, je pense qu'on pourrait faire référence à trois ou quatre grands phénomènes. Le premier phénomène qu'on pourrait dire, c'est un peu la déstandardisation du travail. L'emploi un peu standard, l'emploi à temps plein pour toute sa vie durant... C'est le travail atypique, enfin, qui remplace le travail atypique. Et ça, c'est une première tendance tout à fait majeure. Et quand on quitte l'emploi typique pour l'emploi atypique, il y a toute une série de protections, une série d'avantages qui sont perdus. Et souvent, ça peut se traduire par une certaine forme de détérioration du travail, de la qualité du travail et de l'emploi. Deuxième grande caractéristique qui compose la mutation de l'emploi, c'est la diversité de la main-d'œuvre. Alors, il y avait une époque où ce qui était dominant, c'était l'homme masculin, pourvoyeur de revenus pour la famille, la femme au foyer. Et donc, il y avait aussi un certain équilibre à l'intérieur des catégories d'âge qui composaient la population. Et c'est une population homogène, homme blanc, etc. Diversité, donc vieillissement de la main-d'œuvre, féminisation de l'emploi, les femmes sont à égalité entre les hommes, par rapport aux hommes sur le marché du travail, et bien sûr l'immigration. Et troisième grande caractéristique, c'est l'accroissement des inégalités de revenus, donc le salaire est stagnant, la productivité est en croissance plus faiblement qu'elle était aux époques anciennes, mais c'est surtout les plus riches, 1% qui captent en fait la plus grande partie de la valeur ajoutée. Puis, dernière caractéristique, je pense que c'est, pour ainsi dire, il y a comme une polarisation de l'emploi. Hein? Quand on regarde l'évolution de l'emploi en termes de secteur d'activité ou de classe professionnelle, on se rend compte que c'est comme une courbe en U aux deux extrémités, en fait, de la structure des qualifications des emplois. Les emplois faiblement qualifiés sont en croissance et les emplois fortement qualifiés, les professionnels et techniciens, sont également en croissance, alors que les emplois qui composaient, en fait, la majorité des emplois traditionnellement, l'école bleue, l'école blanche, etc., dans le secteur manufacturier, dans les emplois de bureau, sont en déclin relatif de manière très importante. Alors, c'est un peu ces grandes mutations de l'emploi qu'on observe. Donc, on a la base du U en difficulté. Mais dans le fond, vous avez fait le portrait un peu de la conversation qui va suivre au cours de la prochaine heure. Jean-Claude, il y a aussi des statistiques, quelques données pour pouvoir nous situer. Bien, c'est une autre façon de mettre la table pour le sujet. Là, j'ai ramassé effectivement quelques données, mais le marché du travail, il y a beaucoup de données, donc on pourrait en donner quasiment pendant toute l'heure. Mais disons, taux d'activité d'abord, moi, qui je trouve intéressant. Taux d'activité, c'est les personnes donc dans la population active, les 15 à 64 ans, qui sont soit au travail, soit chômeurs, donc qui sont sur le marché du travail. Au Québec, c'est 80 % en 2017. C'est quand même un bon extraordinaire par rapport à 76. C'était 64 % le taux d'activité en 76. On est rendu à 80 % On a dépassé l'Ontario, qui est à 77 % Les États-Unis, c'est à 73 % M. Lucien Bouchard doit être sûrement très content très qu'on content, est, en, très on heureux, est enfin travaillant. La syndicalisation, je suis sûr que M. Lapointe va nous en parler, mais peut-être rappeler qu'en 2016, c'était à 39 % au Québec. Et là, dans ce cas-là, c'était une légère baisse par rapport à 97, où on avait 42 %, donc baissé de 42 à 39 % en une vingtaine d'années. En Ontario, c'est 27 %, donc un écart assez important par rapport à l'Ontario. Le taux de syndicalisation était 10-12 points de pourcentage de plus que l'Ontario. Peut-être mentionner brièvement que les principales occupations au Canada, dans ce cas-là, d'après le recensement de 76, moi, ça me frappe toujours quand je regarde ça. On a beau parler de nouvelle économie, de l'économie du savoir, les principales occupations chez les hommes, c'est camionneur, vendeur, directeur de commerce, concierge. Puis chez les femmes, c'est vendeuse, infirmière. Ça, admettons que dans ce cas-là, c'est plus qualifié. C'est caissière et c'est enseignante au primaire. Donc, c'est important d'avoir ça en tête quand même que c'est pas tous des professionnels, c'est pas tous des docteurs, c'est pas tous des gens de la finance ou le marché du travail. Peut-être quelques deux petites données pour compléter le tableau. Depuis l'été 76, là, c'est plus conjecturel, pas de 76, 2016. Donc, il y a forte croissance des heures travaillées au Canada. Les gens travaillent de plus en plus au Canada et au Québec depuis à peu près 18 mois maintenant, pour des raisons, dans le fond, de bonne conjoncture. Puis le chômage, évidemment, ça va dans la même ligne, c'est-à-dire qu'on avait 8 % de chômage au Québec avant 2016, pendant plusieurs années. Maintenant, on est à 4,9 % l'Ontario à 5,5. Donc, on a baissé radicalement le chômage au Québec depuis à peu près 2 ans. On a même une meilleure performance que l'Ontario. Moi, à chaque fois que je vois ça, j'en reviens pas. Je pense que depuis les 50 dernières années, c'est une période exceptionnelle où vraiment le taux de chômage est plus bas que dans le reste du Canada. Donc, le taux de chômage qui est très bon, on pourrait dire, mon Dieu, tout va bien? Est-ce que tout va bien? En fait, le taux de chômage, c'est un plancher historique. On n'a pas connu ça depuis les années 50-60. Ce qui est préoccupant, c'est peut-être le type d'emplois qui sont créés. Quelle est la qualité des emplois? Quelle est la nature des emplois? Et je pense, bien sûr, oui, il y a, comme je le disais d'entrée de jeu, une espèce de polarisation de l'emploi. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est supposé être dans une économie de la connaissance, une économie caractérisée davantage par une professionnalisation de l'emploi. Mais ce qui est étonnant, c'est que beaucoup d'emplois faiblement qualifiés qui sont dominants. Nous, on a fait des études sur la période 97 à 2013 avec les statistiques du gouvernement fédéral et il y a beaucoup d'emplois là, faiblement qualifiés, employés dans les services faiblement qualifiés, sont en croissance. Leur part relative dans l'emploi est en croissance. Ça veut dire que ces emplois-là croissent plus vite que la moyenne de l'emploi en général. Et il y a aussi, bien sûr, les emplois de professionnels, bien sûr, qui sont en croissance. Mais c'est quand même étonnant. Quand on compare le Québec au niveau international, notamment si on compare avec les pays nordiques. Dans les pays nordiques où on a une autre structure de l'emploi, les emplois faiblement qualifiés sont en déclin. Leur part relative est en déclin. Et donc, on a une courbe beaucoup plus intéressante en termes de création d'emplois. Et comment on l'explique, ça? Ben, on l'explique d'une certaine manière par la manière un peu de réguler l'économie. Quand on est dans une économie des services, comme on a à l'heure actuelle, on a ce qu'on appelle le trilemme de l'économie des services, où on doit conjuguer trois objectifs un peu contradictoires, qui est la création des emplois, le nombre d'emplois qui sont créés, les disparités salariales hein, en termes de répartition des richesses entre les salariés, et troisièmement, la pression, le rôle de l'État. Alors, il y a trois manières un peu de résoudre ce problème, mais parlons de deux manières opposées. Dans le modèle nordique, ce qui est intéressant, c'est qu'on met l'accent sur le rôle de l'État. C'est l'État qui est créateur d'emplois. Les emplois, par exemple, dans les services faiblement qualifiés, services traditionnels, sont assumés en partie par l'État. Les services de garde aux personnes en perte d'autonomie, services de garde aux enfants, à l'autre extrémité, les personnes en perte d'autonomie qui sont plus âgées, etc. Tous ces services sont assumés par l'État et il y a une très grande égalité de revenus, beaucoup moins de disparité de revenus. Par contre, le problème, la faiblesse de ce modèle, c'est que la pression fiscale est très forte. En fait, il y a 50% des revenus qui sont captés par l'État, mais les gens l'acceptent, sont satisfaits parce que les services sont de qualité. À l'opposé, dans le modèle anglo-saxon, dans lequel on fait partie, alors les emplois sont créés, mais les emplois sont créés de très faible qualité. C'est les emplois au bas de l'échelle qui sont créés. Et donc, souvent, la création d'emplois s'alimente à l'accroissement de la disparité des revenus. Ce sont les plus riches qui consomment une série d'emplois qui sont occupés par des personnes faiblement qualifiées, à faible revenu, que ce soit dans les travaux domestiques, dans la conciergerie, dans le gardiennage, dans les chauffeurs de taxi dont on parlait, etc., dans les services de garde. Ici, au Québec, on observe une privatisation des services de garde et l'État se désengage. Et ça, c'est un peu ce qu'on observe ici. Donc, il y a de fortes chances que les derniers emplois qui ont été créés, hein, le Québec a créé beaucoup d'emplois au cours des dernières années, ce soient des emplois, une bonne partie de ces emplois sont des emplois faiblement qualifiés. Ce qui est assez étonnant parce qu'on devrait, au contraire, si on s'inspire du modèle nordique, observer, une disparition ou un déclin relatif de ces emplois. Côté syndicalisation, parce que ce que vous dites là, en même temps, vous parlez du modèle anglo-saxon, mais en principe, le Québec a réussi à équilibrer un tant soit peu parce que on est plus syndiqué qu'ailleurs, le taux est plus élevé. Bon, comment ça joue là-dedans? Est-ce que ça nous protège pas? Ça... En fait, il faut distinguer le syndicalisme, le pouvoir d'un syndicat ne s'évalue pas simplement par le pouvoir associatif, par la capacité, par le fait qu'il représente un grand nombre de salariés. Donc, taux égale pas pouvoir, forcément. C'est-à-dire, taux de syndicalisation égale pas pouvoir de négociation. Et même si on a un taux de syndicalisation assez élevé au Québec, le plus élevé en Amérique du Nord, peut-être le 6 ou 7e à l'échelle internationale, ce taux de syndicalisation-là ne transforme pas nécessairement en un levier d'amélioration des conditions de travail et d'emploi. Quand on regarde l'évolution des salaires et qu'on compare l'évolution des salaires au Québec avec le reste du Canada ou avec l'Ontario, où un taux de syndicalisation est beaucoup plus faible, ou avec les États-Unis, on observe étrangement la même évolution des salaires depuis la fin des années 70. C'est-à-dire, même si on débute avec les années 60, une augmentation assez importante des salaires et un déclin à partir du milieu des années 70, une remontée à la fin des années 2000-2010. C'est les mêmes courbes qu'on observe. Et c'est quand même assez étonnant. Et quand on compare aussi le salaire des travailleurs syndiqués versus les salaires des travailleurs non syndiqués, entre 1997 et 2013, on peut faire ce type de comparaison, les salaires des employés non syndiqués ont augmenté beaucoup plus rapidement que les salaires des travailleurs syndiqués. Ça s'explique aussi par le fait que le taux de syndicalisation est très variable selon les catégories d'emploi, les secteurs d'emploi. Par exemple, dans le secteur public, 80% des employés sont syndiqués. Le secteur public représente environ 25% de l'emploi. Par contre, dans le secteur privé, qui représente 75% de l'emploi, le taux de syndicalisation est de l'ordre de 25% et il est en déclin au cours des dernières années. Puis si on regarde le tertiaire privé, là où l'emploi, aujourd'hui, plus de la moitié des emplois, on dépasse 50% des emplois, sont dans le tertiaire privé. Et donc, cette part est en croissance depuis les dernières années. Or, le taux de syndicalisation est en déclin. Il était autour de 22-23 en 97. Aujourd'hui, il a descendu sous la barre du 20%. Donc, il y a là un problème assez important. Et quand vous regardez dans le secteur public, hein, les dernières négociations ont été intéressantes, mais des années 70, 80 à venir jusqu'à la dernière négociation, les employés du secteur public ont encaissé des réductions salariales en termes de salaire réel de manière assez importante. Il y a eu un déclin de leur salaire en termes réels. On avait des augmentations salariales qui étaient inférieures à l'inflation. D'ailleurs, Jean-Claude a fait un texte là-dessus, intéressant, que tu avais fourni. Okay. Et vous dites que c'est un problème. Il y en a quand même, on pourrait parler même de la perception. Il y en a qui pourraient dire que c'est pas un problème que ça diminue. Peut-être que c'est là qu'on est rendu. C'est peut-être pour le mieux. Ben, c'est parce que ce pourquoi le syndicalisme est important, c'est parce que c'est un facteur tout à fait essentiel en termes de répartition des richesses, d'une part, et on peut faire des comparaisons internationales, là où le taux de syndicalisation est le plus fort, là, non seulement mesuré par le taux de syndicalisation, mais mesuré aussi par le taux de couverture des employés par des conventions collectives. Hein. Donc ici, on est dans une situation au Québec où il n'y a pas de dispositif d'extension des conventions collectives. Par exemple, si vous êtes en France, on a un taux de syndicalisation d'inférieur à 10%. Par contre, toutes les conventions collectives se négocient au niveau des branches et l'État procède à l'extension des conventions collectives, ce qui fait que 90% des salariés sont couverts par des conventions collectives. Donc, ça, c'est un rôle majeur. Donc, le syndicaliste joue un rôle majeur en termes de négociation de conventions collectives qui protège les salariés, distribue davantage des richesses et, d'autre part, contribue à l'amélioration de la qualité du travail et de l'emploi. Et au cours des dernières années, on a observé à cet égard un certain nombre de détériorations, de diminutions de la qualité du travail et de l'emploi. Et c'est très lié à la perte, en fait, de pouvoir du syndicalisme. Et encore une fois, je répète, il ne faut pas confondre taux de syndicalisation et pouvoir de négociation. Parce que dans le secteur public, par exemple, les salariés auront un bon pouvoir de négociation, mais l'État, pendant nombre d'années, jusqu'à la dernière négociation, a utilisé, en fait, des lois de retour au travail pour forcer les syndicats à retourner au travail lorsqu'ils faisaient grève ou même pour décréter des règlements. La dernière négociation, le gouvernement ne l'a pas fait parce que au début de janvier 2015, à la fin, en fait, de janvier 2015, il y a eu un arrêt de la Cour suprême du Canada qui constitutionnalisait le droit de grève. Hein? Et donc, la Cour suprême avait eu à se prononcer sur une législation qui avait passé la Saskatchewan pour interdire la grève dans le secteur public. Et donc, les syndicats ont protesté, ont été en cours, et la Cour suprême a donné raison aux syndicats. Et donc, le gouvernement a été malvenu la dernière négociation d'utiliser une loi spéciale de retour au travail. Et donc, les syndicats dans le secteur public ont pu laisser libre cours à leur mobilisation, allant jusqu'à la grève. Et ça a été un règlement quand même intéressant, mais que, malgré tout, beaucoup critiquent parce que c'est peut-être pas un règlement qui va assurer une protection même suffisante du pouvoir d'achat. En fait, si l'inflation dépasse 2% par année dans les prochaines années, avec un règlement autour de 10,5% en incluant les forfaitaires et c'est ça, on va le gruger. Donc, même s'il y a une mobilisation, puis on a retourné un peu, je dirais, le rapport de force et même l'opinion publique appuyée. Vous vous rappelez, il y a eu un sondage en novembre 2015 où la majorité de la population appuyait les revendications syndicales et était en désaccord avec les stratégies du gouvernement. Ça a été aussi un point tout à fait important, un point tournant dans les dernières négociations. Et malgré tout cela, le règlement va à peine protéger le pouvoir d'achat. Et donc, on ne fera même pas le rattrapage qu'on avait à l'égard du privé. Et puis, la répartition des richesses sera presque aussi inégale qu'elle était auparavant. Ben moi, j'aimerais peut-être, c'est parce que ça fait appel à mes souvenirs aussi, parce que, étant plus âgé que vous deux, j'ai bien connu la belle période des années 60-70, qui était un peu ennuyante pour les consommateurs, pour les citoyens. On avait des grèves, des postes à peu près à tous les semaines. Puis la fonction publique, c'était pareil, puis c'était les pompiers de Montréal, puis c'était les policiers, puis c'était ci, puis c'était ça. Ça finissait pas, mais il reste que malgré tout, j'étais très sympathique au syndicat, puis je pense que c'est un grand facteur de progrès social. Puis tout a changé, dans le fond, avec avec Reagan et Thatcher, là, quand ils ont décidé de casser les revendications syndicales, là, ça a fait boule de neige, d'autres pays ont embarqué, puis ils ont gagné un peu la bataille des idées. Maintenant, je pense que la majorité de la population... De l'image, en tout cas, certainement. Que les syndicats, dans le fond, c'est une nuisance, puis ça empêche l'économie de progresser. Mais le facteur que je voudrais apporter aussi, je pense qu'il y a beaucoup le vieillissement, parce que moi-même, j'ai été dans un syndicat, puis on a fait des grèves quand on avait 25-30 ans, mais je pense que ce qui arrive maintenant, c'est que la population vieillit, y compris la population des syndiqués. Puis les gens rendus à 45, 50 ans, 55 ans, ça y tente un peu moins de sortir dans la rue, surtout au Québec. Il fait froid. Puis il y a toujours aussi, je pense, les gens ont bien de la misère à comprendre. Il faut admettre que ça demande un peu d'un calcul qui n'est pas évident de dire « Ouais, mais je pars en grève, ça va peut-être durer pendant 3 mois. Je vais-tu vraiment récupérer ça par la suite? » Il reste, c'est quand même pas évident. C'est pas facile. C'est une dynamique qui est pas tout à fait évidente. Mais je pense que le facteur vieillissement est quand même important. Bien, j'aimerais quand même rappeler que dans les dernières négociations dans le secteur public, ça a été les plus importantes grèves au Québec depuis le Front commun de 72. Il y a eu 400 000 personnes qui ont sorti dans les rues en novembre, à la fin de novembre, et ça a contribué fortement à imposer un règlement. C'était quand même majeur. Moi, je pense qu'il y a eu comme un renouvellement, peut-être un début de revitalisation du syndicalisme au cours de ces dernières négociations. Et je pense qu'une un des facteurs importants, c'est que les syndiqués ont réussi à concevoir, à présenter leurs revendications comme étant quelque chose qui était tout à fait sympathique, qui rendait leurs revendications sympathiques à la population en disant « Si on veut améliorer la qualité des services publics, l'école, la santé et les autres services publics, il faut d'abord améliorer la qualité de ceux qui dispensent ces services. Il faut reconnaître le travail qu'ils font, il faut les rémunérer de manière plus équitable, plus juste, il faut arrêter de couper dans les services. » Et plutôt que d'en donner qu'aux médecins, qu'aux 1% des plus riches... Attends, c'est ce qu'on fait. Oui, et c'est ce qu'on fait. Et donc, il faut voir qu'entre les années 70, qu'on qualifie dans le domaine de l'histoire du travail comme les années de feu, et aujourd'hui, il y a eu quand même une transformation majeure de l'économie, disons-le simplement, une transformation du régime capitaliste. Les années 70, c'était les dernières décennies de ce qu'on appelle, en fait, un régime capitaliste fordiste, dominé par un État-providence généreux, favorable à l'amélioration de la qualité des services, des syndicats forts qui négociaient un partage des gains de la productivité, etc. Et quand on a vu arriver les années 80, ça a été une grande transformation avec Thatcher et Reagan, bien sûr. Le premier geste de Reagan arrivé au pouvoir, c'était de congédier les 20 000 contrôleurs aériens qui étaient en grève, syndiqués, employés de l'État, et de les remplacer par d'autres salariés qui n'étaient pas syndiqués. Et quand on est au Québec aussi, il faut se rappeler aussi quand René Lévesque, le deuxième mandat, en 82, là, en début 83, lorsqu'il a coupé pendant trois mois le salaire des enseignants pour récupérer 20% Des fonctionnaires aussi. Des fonctionnaires aussi. Et donc, récupérer les hausses salariales exactement. Qu'il avait concédées généreusement vue de favoriser le référendum de mai 80. Et par la suite est apparue toute une panoplie de lois de retour au travail qui ont cassé le secteur public. Et en même temps, s'est développé, quand on regarde les statistiques de répartition des richesses, c'est au milieu des années 80, au début des années 80, qu'on voit la courbe qui représente les revenus, la croissance des revenus du 1% s'envoler dans la stratosphère, en fait. Le 1% des revenus capte une portion croissante. Entre 1977 et 2007, le 1% des salariés les plus riches a capté 40% de la croissance des revenus marchand des revenus de marché du travail. Donc, c'est assez incroyable. Donc, on va vous laisser digérer ça pendant quelques secondes. On va faire une petite pause et au retour, on continue de parler de cela dans quelques minutes. Restez là. C'est l'émission Économophile qui se poursuit à CKRL 89.1 avec David Lemelin au micro, la collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier qu'on entend craquer et on parle du marché du travail. C'est son micro, bien sûr, avec le professeur Paul-André Lapointe. On parlait du 1% qui s'enrichit. Il y a la mondialisation qui est un facteur, qui est quelque chose, un contexte indéniable et dont il faut absolument parler parce que ça a un effet concret sur le marché du travail, même assez catégorique, là. Oui, la mondialisation, en fait, c'est comme si, en l'espace de quelques années, on avait, à l'échelle de la planète, multiplié par 2 la force de travail, la main-d'œuvre disponible pour travailler. que les pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, en partie l'URSS et toute l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, on a multiplié par deux la main-d'œuvre disponible. Alors, on peut, sans réfléchir longtemps, se rendre compte l'impact que ça a sur la capacité de négociation des travailleurs du Nord. Et les salaires aussi sont devenus la concurrence, c'est-à-dire un facteur de concurrence tout à fait majeur. Alors que dans les époques anciennes, le salaire était considéré comme une demande. Hein, l'économie roulait autour de la consommation nationale et le salaire était un des facteurs importants de la demande pour faire rouler l'économie. Avec la mondialisation actuelle que l'on connaît, le salaire est rendu un coût que l'on cherche à baisser le plus possible. Ouais. Et en règle générale, le salaire des travailleurs chinois qui sont pas les plus bas dans le monde, est de 5 à 6 fois inférieur au salaire moyen des travailleurs canadiens. Et il y a une figure, il y a une image tout à fait saisissante que l'ancien président de General Electric avait formulée dans les années 2000. Il comparait la mondialisation à une économie centrée sur une barge. Donc, il appelait ça la barge économie. C'est comme si toutes les usines pouvaient être placées sur des barges, un bateau à fond plat qui peut se déplacer sur les eaux. Et ce bateau se déplacerait d'un territoire à l'autre à la recherche des coûts les plus bas pour être capable de faire le maximum de profit. Et donc, ces runaway shops, ces entreprises qui se déplacent, qui se délocalisent, ces usines, ces unités de production, ça devient tout à fait majeur. Il faut dire aussi qu'on assiste à une nouvelle chaîne internationale de la production de création, une chaîne de valeur. Par exemple, si on prend une chaussure Nike, les chaussures de sport qu'on utilise. Enfin, les statistiques que l'on a, on peut diviser ça en trois catégories, ce qui va aux sous-traitants, aux fabricants, en termes de salaire, matières premières et puis équipement, ce qui va à Nike au niveau de la conception des produits et ce qui va aux distributeurs. Sur une chaussure qui va environ... qui coûte environ 70 $ il y en va un peu moins de 10 % aux sous-traitants. Et si on prend le salaire des travailleurs de ces pays du tiers-monde qui fabriquent ces chaussures, ben c'est 3 $ sur 70, c'est moins de 5 % qui va en travail de cette main-d'œuvre. Le reste, c'est la distribution qui capte la plus grande part, 40 % et la conception, le design, ça capte de 25 marque, à 30, ouais. etc., le nom de la marque. Alors, c'est ça, maintenant, les nouvelles chaînes de valeur internationale. Puis on avait fait la démonstration que l'iPhone, notamment, de mémoire, c'est quelque chose comme 5 $ sur le coût d'achat, qui est comme 400 $ 400 $ on le voit donc... Alors ça change tout à fait les paramètres de la distribution des revenus. En fait, on produit pas pour la consommation locale. Prenez le cas de Bombardier, par exemple. Alors, Bombardier, Monsieur Bellemare, lui, son salaire et la principale part de son salaire, c'est des stock options, c'est-à-dire des options d'achat d'actions. Enfin, sur les 50 millions qu'il touche par année, ça représente une part assez importante. Et donc, on lie son salaire à la croissance de la valeur de l'action. Lorsqu'il entre en fonction, le PDG, on lui dit, on te permet d'acheter aujourd'hui, on t'offre la possibilité d'acheter plus tard des actions au prix d'aujourd'hui. Alors, si tu achètes dans 6 mois plus tard tes actions, ben tu auras 6 mois pour faire croître la valeur de tes actions. Et donc, si tu acheté à 100 $ au moment où tu rentres en fonction, si tu as travaillé très fort pour augmenter la valeur de ces actions, elle passe à 110 ou 120 6 mois plus tard, ben tu vois toute la plus-value que tu fais, que ce PDG fait. Et donc, c'est ça son intérêt. Et quand on regarde Bombardier, c'est quoi le principal produit que produit Bombardier? On pense que c'est la C-série. Mais en réalité, c'est des Global 7 ou 8, des avions hyper luxueux qui sont vendus à des PDG un peu partout dans le monde et qui achètent ces avions-là pour se promener. En fait, on n'a pas besoin des salaires des travailleurs canadiens ou québécois pour consommer les avions de Bombardier. On a besoin des hyper riches, l'upper class, qui, elle, va acheter ces avions. Et c'est ça qui fait rouler l'économie. Et le gouvernement canadien passe de l'argent, Économie Canada, passe de l'argent à ses grands financiers, à ses PDG, pour leur faire des prêts sans intérêt pour qu'ils achètent ces avions de luxe pour se promener plus vite d'une ville à l'autre, etc. Et donc, c'est incroyable. Et récemment, il est arrivé en Afrique du Sud, une famille indienne, des financiers indiens, deux frères indiens, qui avaient acheté ce type d'avion, Global 7, et qui avaient eu un prêt de 30 millions du gouvernement canadien. Et tout à coup, ils sont disparus dans la brousse, et le gouvernement canadien a perdu son argent. Et donc, c'est nous, comme contribuables, qui supportons ce type de consommation. Cette image est un peu particulière, mais elle illustre comment aujourd'hui l'économie ne roule pas autour des salaires des salariés et qu'on peut donc vivre en faisant, en fait, en produisant et en s'appuyant sur la demande de consommation. La consommation de ces hyper-riches qui représentent 1% de la population. Oui, puis d'ailleurs, c'est ce que vous disiez dans les principales conclusions de l'étude là, de l'IRIS là, que vous avez réalisée. Quand on parle de dans le fond, depuis les années 70, ce virage majeur qu'il y a eu, c'est que la création de richesses, la plus-value, ça ne sert pas à enrichir les travailleurs, ça sert, on l'amène dans la sphère financière, on va faire d'autres choses avec. Donc, on ne crée plus. Il n'y a plus d'économie productive, en tout cas moins avec ça. Et oui, puisque dans une économie dominée par la finance, les banques font énormément de profits et les financiers ne sont pas intéressés à créer des emplois. Au contraire, quand ils dépècent l'entreprise, ils réduisent la masse salariale, ça veut dire qu'ils prennent ça au sérieux. Oui, c'est efficace. C'est ça, c'est efficace. Ça baisse la valeur du capital investi et donc ça accroît la valeur des actions, etc. Et donc, on est dans une toute autre dynamique. Jean-Claude, as-tu... Peut-être une autre question un petit peu différente. C'est ma déformation d'économiste, peut-être. Parce que surtout aussi parce que j'ai assisté à une présentation de la Banque du Canada hier où la Banque du Canada, par son gouverneur et ses sous-gouverneurs, ce qui les préoccupe, c'est la baisse du chômage pourrait éventuellement se traduire en inflation. L'idée étant que si tu atteins une espèce de plein emploi, bien là, tu payes tes travailleurs plus cher si tu veux en avoir plus ou si tu veux faire travailler plus longtemps. Donc, eux sont un peu préoccupés par ça. Ils sont de plus en plus, d'ailleurs, parce qu'ils ont l'impression qu'on a pratiquement atteint le plein emploi. Moi, je trouve ça un peu spécial parce que Desjardins, dont tu as vanté le logo tantôt, oui, dans une publication récente, il fixe à 6,5% le taux de chômage d'équilibre. C'est-à-dire, si tu baisses en bas de 6,5, puis on est à 5 présentement, là, si tu baisses en bas de 6,5, tu commences à gérer des pressions inflationnistes. Donc, on va être obligé d'augmenter les salaires, puis si tu augmentes les salaires, évidemment, tu augmentes les prix, donc l'inflation repart. Je ne sais pas, M. Lapointe, tu as une idée là-dessus. Ça sert à quoi le taux de chômage plancher, autrement dit, le plein emploi? Bien, selon By the Book, selon les économistes orthodoxes, le plein emploi, c'est un taux de chômage qui est frictionnel, c'est-à-dire un taux de chômage qui est, représente en fait le changement normal d'un emploi à l'autre. On passe une transition par des périodes de chômage qui sont très courtes. Le plein emploi, c'est lorsque le chômage structurel, disent les économistes orthodoxes, celui qu'encouragent les programmes d'assurance chômage trop généreux, celui qui existe parce que il y a des obstacles, des rigidités à la circulation de la main-d'œuvre sur le marché du travail, parce que les salariés sont mieux protégés, il y a une certaine sécurité d'emploi dans un certain nombre d'emplois, et celui qui s'explique aussi parce que les gens ont un salaire de réserve plus élevé grâce au barème d'aide sociale, l'assurance chômage, je l'ai dit, ou surtout au salaire minimum qui rehausse les prix artificiellement. Lorsqu'on fait disparaître toutes ces rigidités-là, disent les économistes orthodoxes, on est en plein emploi. Le seul taux de chômage qui existe, c'est celui qui est le chômage frictionnel. Or, ça, c'est autour de 4%? C'est variable selon les économies et la mobilité de la main-d'œuvre, mais c'est autour de entre 3 et 5% selon les économies. C'est un peu semblable à ce qui existe aux États-Unis. Et donc, il faut rappeler que pour en arriver à ce taux de chômage qu'on a à l'heure actuelle, il y a eu au cours des dernières années, quand on regarde le salaire minimum, le salaire minimum d'aujourd'hui, en dollars réels, est inférieur à ce qu'il était au milieu des années 70. C'est quand même majeur. Les barèmes d'aide sociale dont on parle, ils ont été largement diminués au cours des dernières années. Quelqu'un qui vit sur l'aide sociale aujourd'hui, un célibataire avec 650 à peu près par mois, C'est impossible de vivre. Et puis, quand on regarde l'assurance chômage, hein, le gouvernement Harper a vraiment réduit la générosité du programme d'assurance chômage, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins de la moitié des chômeurs, c'est peut-être 4 chômeurs sur 10, qui ont accès à l'assurance emploi. Donc, évidemment, il n'y a plus de salaire de réserve, il n'y a plus de disent les économistes orthodoxes, il n'y a plus de rigidité. Et donc, on est proche du plein emploi. Et il faut dire que l'envers de la médaille, c'est que dans une économie financiarisée, le pire ennemi des financiers puis de tous ces rentiers, hein, de ces gens qui possèdent des actions, c'est l'inflation. Et donc, c'est le contrôle de l'inflation. Ouais. Et on a aussi sorti la Banque centrale d'un levier politique. Avant, la Banque centrale était sous le contrôle des gouvernements et on pouvait jouer sur les taux d'intérêt pour favoriser la création d'emplois ou stimuler ou ralentir l'économie ou baisser. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule politique, c'est les taux d'intérêt les plus bas possibles pour avoir le taux d'inflation le plus bas possible. Et quand vous regardez l'histoire, on voit qu'on a utilisé très largement le chômage qui a monté à des sommets dans les années 80, autour de 14-15% au Québec. Puis là, on avait des taux d'inflation très élevés aussi, hein, dans les années, début des années 80, pour tuer l'inflation, la maintenir à un niveau très bas. Parce que quand vous êtes dans une économie où l'inflation est importante, c'est des luttes de répartition des richesses qui se déclenchent parce que les salariés sont plus faciles à mobiliser lorsqu'ils voient leur pouvoir d'achat se réduire par l'inflation, et vous êtes dans des luttes de répartition qui sont très fortes. C'est ce qu'on connaît un peu dans les années 70. C'est sûr que les économistes orthodoxes, la Banque de Montréal... L'économiste veut réagir. On peur qu'on retrouve des périodes où les taux d'inflation sont plus importants, parce que c'est un facteur qui stimule... Oui, c'est économiste. Les retraités, comme je suis aussi, il n'y a pas trop d'inflation, mais il reste que moi, je trouve ça intéressant, malgré tout, la question de que la Banque du Canada soit obsédée par ça. Vous avez raison. Sont obsédés parce que c'est leur seul mandat, alors qu'aux États-Unis, ils ont également un mandat, la Banque centrale, de lutter contre le chômage. Mais au Canada, moi, ce qui me fascine, c'est qu'à 5,8% au Canada, à 5% au Québec, on commence à s'inquiéter, alors qu'aux États-Unis, le taux de chômage est à 4%, au Mexique à 3,3%, au Japon à 2,5%, puis en Thaïlande à 1,3%. Puis, je ne sais pas si c'est inquiétant. C'est une marge d'erreur, ça. Ouais. Mais en contrepartie, pour se consoler, il faut dire qu'en l'Afrique du Sud est à 26,7% toujours. Ouais. Mais on vit quand même, puis il nous reste peut-être un 3-4 minutes, là. On vit quand même, me semble-t-il, à vous entendre depuis tantôt, un paradoxe, parce que d'une part, mondialisation veut dire on abaisse les conditions, les salaires sont tirés vers le bas, et en même temps, je le vois dans le point de vue économique de Desjardins, qui intitule le document « La croissance des salaires prend son envol au Québec ». Donc, parce qu'il y a de la rareté, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, même le vieillissement, il y a un contexte qui favorise aussi dans une certaine mesure, les salaires vers le haut. Donc, oui, on vit les deux. En fait, il n'y a pas de relation linéaire. C'est sûr que la baisse du taux de chômage est un facteur qui renforce les salariés, leur pouvoir de négociation des salariés, mais il y a toutes sortes d'autres contre-pouvoirs. On pourrait dire, regardons par exemple le secteur public qui a eu pendant très longtemps une pénurie d'enseignants, une pénurie d'infirmières, etc. Ça ne s'est pas nécessairement traduit par une hausse salariale. Et c'est sûr que les gouvernements voient arriver la situation, et c'est pour ça qu'ils sont si intéressés à ouvrir les portes pour l'immigration, d'une certaine manière, pour occuper souvent des emplois au bas de l'échelle, dans le travail agricole ou dans les services, ou certains types d'emplois plus qualifiés. Mais l'immigration devient un peu une bouée de sauvetage. Ce pourquoi les États-Unis peuvent se permettre d'avoir des taux de chômage si bas sans pénurie de main-d'œuvre, c'est grâce à le flot massif d'immigrants qui arrivent aux États-Unis chaque année et qui, d'une certaine manière, contribuent, en fait, à avoir une main-d'œuvre disponible assez importante. Mais c'est un facteur intéressant, peut-être pour du côté de la croissance des salaires, mais je pense qu'on ne peut pas en déduire simplement que du fait qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, que les salaires vont nécessairement augmenter. Vous voyez, il y a toutes sortes d'autres contrepoids qui jouent aussi dans cette situation-là. Conclusion, si je vous demandais en deux minutes, qu'en est-il pour ce qu'on regarde un peu la boule de cristal, là? Est-ce que vous êtes du genre pessimiste ou optimiste par rapport à la, disons, le marché marché du travail, les conditions de travail, on pourrait dire en Occident, mais au Québec tout particulièrement? Ben, disons qu'un pessimisme tempéré, si je peux dire. Ça me ressemble, ça. Ce qui me préoccupe, c'est peut-être les emplois faiblement qualifiés qui sont créés de manière très importante, alors qu'on devrait plutôt assister, dans une économie prospère, à la disparition de ce type d'emplois. On parle beaucoup de changements technologiques, d'intelligence artificielle, mais on se rend compte qu'il reste quand même une forte proportion d'emplois qui sont intouchés. Et c'est un peu... c'est une variable tout à fait majeure, parce que comment peut-on tolérer... Ces emplois-là représentent autour de la moitié des emplois. Le tiers des emplois, autour de 30-35% des emplois qui sont des emplois faiblement qualifiés, faiblement rémunérés, de très mauvaises conditions, peu touchés par la syndicalisation, en fait. Puis même robotisation, intelligence artificielle qui rentre là-dedans aussi, là. L'intelligence artificielle ne les concerne peu, dans le fond, ils sont peu affectés. C'est le secteur manufacturier, puis les emplois de professionnels qui sont touchés par l'intelligence artificielle, puis de deux manières tout à fait différentes, c'est-à-dire que dans le secteur manufacturier, ça remplace les emplois, ça les fait disparaître, ce sont de bons emplois qui disparaissent. Dans les professionnels de haut niveau, ben l'intelligence artificielle même complexifie leur travail ou développe des activités nouvelles, et c'est tous les emplois qui sont faiblement qualifiés, qui eux sont pas touchés en fait par, ou très peu par les changements technologiques en cours aujourd'hui. C'est ça qui est préoccupant, quoi. Petit mot de la fin, Jean-Claude, là-dessus? Non, c'est assez complexe. Paul-André Lapointe, merci beaucoup d'être venu en studio. C'était un plaisir de vous entendre et vous êtes un homme passionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci, puis au plaisir de vous réentendre bientôt. Ça me fait plaisir. Petite courte pause et on revient. Jean-Claude, avec l'actualité. D'abord, la Banque du Canada, tu as assisté à la présentation, si j'ai bien compris? Ben, en fait, c'est une présentation secondaire, si je peux dire, parce que la principale présentation était mercredi de cette semaine. La Banque, comme elle fait là, régulièrement, produit un rapport sur la politique monétaire. Oui. Elle annonce si elle va augmenter ou non son taux directeur. Cette semaine, donc, elle annonçait qu'elle gardait le taux stable. Hier, on avait ici à Québec, auprès de mon association d'économistes, un sous-gouverneur de la Banque du Canada qui est venu exposer un peu, dans le fond, le pourquoi de la décision de la Banque du Canada. Mais c'est toujours très, très intéressant, ces rapports trimestriels de la Banque du Canada, parce que c'est un tableau d'état de situation, finalement, de l'économie canadienne. Toujours très intéressant, très pertinent. Moi, ce qui m'a frappé, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais ce qui m'a beaucoup frappé là-dedans, entre autres, c'est qu'on annonce un déclin de la croissance au Canada. Pour l'instant, en 2017, le taux de croissance du PIB est à 2 %. On prévoit qu'en 2018, il va être à 2,1, donc à peu près au même niveau, mais en 2020, il va être à 1,7. C'est pas une grosse différence, c'est troisième de point de pourcentage, mais il reste que ça croît. C'est un peu une certaine stagnation qui se réinstalle, plus ou moins. Ouais. Mais plus important que ça, c'est qu'une donnée qui m'a frappé, moi, c'est que la part du Canada sur le marché américain des biens non énergétiques, oublions Kinder Morgan puis les oléoducs, a décliné. Notre part du marché des biens non énergétiques aux États-Unis, c'était de 17 % autour de 2001. Et c'est maintenant 10 %. Donc, en 15 ans, notre part du marché américain, on est passé de 17 % à 10 %. Évidemment, on était tassé par la Chine, par le Mexique, puis Barbados. Donc, moi, je trouve ça très significatif. Ce qu'on a appris, ce que je vois dans le rapport de la Banque du Canada, c'est que les importations de machinerie sont en hausse, notamment parce que les taux d'intérêt sont encore relativement bas. Et ça, c'est une façon de remplacer la main-d'œuvre. On se dit, là, pour être plus productif et que ça coûte moins cher, on va acheter des machines. Voilà. Ça, je pense, c'est un symptôme important. Ce que l'autre élément qui m'a mentionné, peut-être un dernier, c'est que ça m'a beaucoup frappé aussi. Les secteurs du papier, des produits du bois, des produits du pétrole fonctionnent à pleine capacité présentement. Donc, on se rapportait à quoi? C'est des secteurs qui sont inquiets présentement, ouais. Mais ça va très, très bien. Puis, ils fonctionnent à peu près à 95% de leur capacité. Ceux qui fonctionnent à faible capacité présentement, c'est le secteur de l'imprimerie. On sait très bien, c'est à cause de la crise des médias présentement, à cause de toute l'importance de Facebook. Puis Google, oui, etc. Oui. Puis les autres produits manufacturés, les produits fabriqués en usine présentement, les usines fonctionnent à peu près à 75-80% de leur capacité. Donc, c'est plus ou moins bon dans ces secteurs-là. En tout cas, pour rester dans l'esprit du prof Lapointe, effectivement, la Banque du Canada maintient le taux à 1,25. Hein, et d'ailleurs, la Banque canadienne prône la circonspection. Hein, c'est ça, c'est de la prudence. Mais hein? Je dois dire, David, si tu me permets, c'est que la Banque du Canada a d'excellents services de traduction, parce que parmi les productions du gouvernement fédéral, je pense que c'est les documents qui sont le mieux écrits en français. Ah ben, dans un domaine d'économie, ce qu'il faut le faire, là, c'est pas évident. C'est quand même ce qui nous distingue de Trudeau et de Mélanie Joly. Bref, continuons dans l'actualité pour parler de Kinder Morgan, t'en as glissé un mot. Quelle histoire quand même, qui coince d'ailleurs le gouvernement fédéral. Trudeau est pris à essayer de faire plaisir à l'Alberta en faisant semblant d'être fâché, puis en même temps, il ne bouge pas pour ne pas choquer la Colombie-Britannique. Beau dossier, hein, Kinder Morgan? Ben moi, c'est drôle, mais c'est un beau dossier, puis c'est le fun. Il y a quand même un lien peut-être à faire avec les prix à la pompe, parce que dans la même semaine, on a vu que les prix à la pompe, là, l'essence avait presque explosé. Pour prendre des gros mots, si on peut dire. Ça a quand même augmenté beaucoup. Mais moi, je pense que c'est des bonnes nouvelles, dans le fond. C'est-à-dire que si on laisse de côté notre chapeau de conducteur d'automobile, c'est une bonne nouvelle pour la planète. Dans le fond, le drame des changements climatiques, puis des protocoles de Kyoto, puis de la COP21, puis tout ça, c'est que le prix du pétrole, le prix de l'essence avait baissé radicalement à cause des gaz puis des pétroles de schiste il y a quelques années. Ouais. Alors, grâce à l'OPEP, grâce à nos bons amis des pays arabes, ils ont décidé d'installer un contrôle de l'offre, finalement, de réduire la production de pétrole, puis Kinder Morgan entre un peu là-dedans. Le fait que le Canada n'est pas capable de sortir son pétrole bitumineux, bien ça aussi, ça aide à restreindre un peu l'offre mondiale de pétrole, puis qui fait en sorte que les prix montent. C'est une très bonne nouvelle au point de vue environnemental. Au point de vue des consommateurs, évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle. Oui, ça l'est. Bon. Mais effectivement, c'est la réaction. Dans le fond, il y a les Premières Nations, il y a la Colombie-Britannique qui s'y oppose, tandis que le gouvernement canadien essaie d'être entre l'arbre et l'écorce. Ça fait qu'il s'y installe avec beaucoup d'énergie, d'ailleurs. Et juste pour rappeler qu'on voulait l'objectif de ça, pour le résumer, si vous ne le savez pas, c'est que le pipeline, le Trans Mountain, en fait, devait tripler, hein, c'est tripler la capacité de production. Donc, c'est énorme. On comprend tout de suite l'impact que ça pourrait avoir sur le prix, notamment. Mais ce faisant pas, ben, ça change la donne, bien entendu. Merci, Jean-Claude, pour ceci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter sur Kinder Morgan? Sinon, question de la semaine? Oui, on pourra passer à la question de la semaine. Les trois principaux pays de destination des exportations du Québec, as-tu une idée, toi? Les Américains du Nord français, sûrement, les États-Unis? Oui, mais c'est faux. Le premier pays d'exportation, c'est le Canada. Du Québec. Quoi, du Québec? C'était ça le piège. Donc, à l'étranger? Bon, c'est ça. Le premier pays d'exportation du Québec, c'est le Canada. Les États-Unis viennent en deuxième. C'était pas si loin quand même. Ah. On exporte 72 milliards en 2016 au Canada, 57 milliards aux États-Unis. Le troisième, ça, est peut-être plus difficile, mais pas si tant que ça. Troisième, Grande-Bretagne? Monsieur Lapointe? Non. La Chine. Hein? Mais 3 milliards. La troisième, 3 milliards. Les États-Unis, deuxième, 57 milliards. Donc, c'est très, très, très loin. Les États-Unis, c'est autour de 70% de nos exportations internationales. Qu'est-ce qu'on exporte en Chine? Du sirop d'érable? Oui, entre autres. Mais je présume. Je voulais juste faire le lien encore là avec l'actualité. C'est qu'on a appris cette semaine que la Cour suprême défendait, dans le fond, les monopoles provinciaux de vente de bière et d'alcool, etc. Donc, ça démontre que la Cour suprême n'a pas réalisé que le principal marché d'exportation des provinces, mais du Québec en particulier, c'est le Canada, c'est les autres provinces. On l'oublie tout le temps, mais le Québec exporte d'abord dans le reste du Canada. C'est pour ça qu'on a créé le Canada, de toute façon. Oui, c'est un marché intérieur. Ben, exactement. Ben, on vient de résumer l'histoire en une phrase. Merci beaucoup, Jean-Claude. On va se partir là. Alors, voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup, Jean-Claude Cloutier, pour la collaboration, la recherche. Merci à notre invité, Paul-André Lapointe, de même que Eric Doreur à la mise en onde. Merci beaucoup d'avoir été là. D'ailleurs, toute la famille, ou la moitié de la famille, pratiquement, est présente. La semaine prochaine, donc, encore une pause. Oui, écoutez, c'est comme ça. On vous offrira une émission en reprise, mais une très bonne, je vous le jure. On va en sélectionner une merveilleuse. De retour, donc, en direct le 5 mai. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter aussi en balado. Visitez econophile.net. Merci beaucoup et à bientôt.